Cette deuxième journée de la phase de poule se poursuit avec plusieurs matchs, trois au total. La Mauritanie affrontera l'Angola, ce sera à 15h30 heure du Maroc. Cameroun-Ghana, ce sera à 18h. Et puis le Bénin jouera face à la Guinée-Bissau, ce sera à 21h. Et puis football, toujours fin de l'aventure pour les Françaises en Coupe du Monde de football féminin. Les Bleues se sont battues jusqu'au bout face aux tenantes du titre. Les Américaines ont décroché donc hier une place en demi-finale en s'imposant par 2-1. Un doublé signé de l'attaquante Megan Rapinoe. Cette deuxième journée de la phase de poule se poursuit avec plusieurs matchs, trois au total. La Mauritanie affrontera l'Angola, ce sera à 15h30 heure du Maroc. Cameroun-Ghana, ce sera à 18h. Et puis le Bénin jouera face à la Guinée-Bissau, ce sera à 21h. Et puis football, toujours fin de l'aventure pour les Françaises en Coupe du Monde de football féminin. Les Bleues se sont battues jusqu'au bout face aux tenantes du titre. Les Américaines ont décroché donc hier une place en demi-finale en s'imposant par 2-1. Un doublé signé de l'attaquante Megan Rapinoe.